rap 100% explicit lyrics. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Il est là, en provenance de son 9-3. Hi, l'ennemi est là. Monsieur Xo est là avec nous, comment va? Il était temps. Hein. Et bah c'est fait, oui, c'est vrai qu'il était temps parce que le projet est sorti il y a quelques semaines déjà. Ce projet est sorti il y a quelques semaines. Il marche fort. Et il marche fort pour un premier projet en indépendant. Et on n'en attendait pas autant et c'est parfait. Et pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure. Regarde, en plus là, il y a les fêtes. On peut mettre, je sais pas, sous le sapin un petit CD d'Xo, non? Un petit CD, un petit Rastaman au-dessous du passant, ça. Au-dessous du sapin, ça passe. Ça peut le faire direct, ouais, non? Ça fait. Bon, bah, bienvenue en tout cas pour cette nocturne. C'est toi qui prends le contrôle de la nocturne. Calme, écoute, je suis ravi de te recevoir. On va faire un petit CV express de toi pour les gens qui vont peut-être te découvrir là juste après Difool maintenant. Yes. Bon, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est Xo l'ennemi, hein, rappeur d'Atokitim, rappeur signé chez TP. Rappeur de la Muscrim qui est mon équipe qui est autour de moi aujourd'hui, vous les avez vus dans différents clips. Bon bah j'ai participé à différents projets cette année, ça a bien marché pour moi. Quelques featuring qui ont payé et voilà, aujourd'hui je suis là avec mon projet, Bandiagal dans les bacs. Le projet est dans les bacs, présente-nous aussi un petit peu qui est autour de toi et bon qu'on écoutera. Ceux qui sont autour de moi frère c'est l'équipe hein. Il y a Ibrako, il y a un petit chez moi, il y a un kicker Kevin Kos qui est là. Il y a Siko qui est passé de mon équipe et il y a le meilleur kicker du rap français pour moi. Allez voir. Ça va, tout le monde est en forme? Ouais, il est là. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, alhamdoulillah. Et bah c'est parti pour la nocturne, on attaque? Yes. Avec un extrait du projet, c'est d'ailleurs le morceau qui ouvre le projet. C'est le morceau qui ouvre le projet, c'est l'ennemi, c'est un délire, tu vois, c'est... C'est Xo. C'est Xo. Planète rap, 100% explicit lyrics. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. C'est Xo l'ennemi. Tu sais pas c'est qui? La même t'inquiète que chez Fifi. Choqué, usurpation d'identité, ces rappeurs sont troqués. Contrôleur dans le rap, fais-moi voir ton ticket. La street voit les poids comme le 9-3 des fois, baby. Je préfère rester dans qu'avoir une répute de boogie. Nachetan, une répute de boogie. 93 Loki, pousse le rap au mari. J'aime trop ces sœurs vestiers dans la ZPE. Nique les sauts de la crapie dans la ZPE. Tout ça m'amuse, et c'est la buse. Un bon d'un bras, bonne et je vais ton anus. Sur conseil de tech, je vais les cramer, ces mecs. T'as pas vu que des camions. C'est bête. J'arrive en grosse compète. Grosse flaque de sang. Il a payé sa dette. Grosse flaque de sang. Il a payé sa dette. Jack des tours et des parkings. Faut niquer l'architecte. Ouais. Faut niquer l'architecte. Méchant et bête. Tu le fais sans tes bestes. XO. Faut pas me laisser devant un micro. Faut pas me laisser devant un micro. Je vais partir en Yaku. Mais ce qui se avec des coups. Sans mon ami, c'est beaucoup. Je dois nous sortir de ce trou. Bandiaga Life, je finirai en l'art. Bandiaga Life, je finirai en l'art. Pour le rap français, c'est XO. Oui, c'est Xo l'ennemi. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. Pour le rap français, c'est Xo l'ennemi. Oui, c'est Xo l'ennemi. C'est Xo l'ennemi. C'est Xo l'ennemi. Non, c'est Xo l'ennemi. Le Havre se prend. Bang. Rap français. 100% explicite les rimes. C'est le prince de la ville. Le prince de la ville. En direct de la nocturne. Ce soir, c'est nous qu'on a pris le contrôle. Tout qui paie. Force à vous. Bang. Autoproclamé Future King. Salut, c'est le prince de la ville. Autoproclamé Future King. Autoproclamé Future King. Salut, c'est le prince de la ville. Autoproclamé Future King. ça me braque, ça le tire. Chérie, je serai ton baby boy. Coffre le kill et garde les gosses. N'engage pas des pires que le mort. Zette les pas, nous pisse ta mort. Fais tes portes, ton décor, vole des corps, vole les normes. C'est de la pure, t'as la Walter White. Les Young Clean deviennent tous plus forts. Pose ton chèque, pose ton chèque. XO2, chanteur Abella. Parlons bien, parlons chiffres. Pour l'instant, parlons ta gars. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Les R de cette gang bang. Et qui est la cause à Nostra, Nostra. Nasta, Mirasta, cherche la paix. Comme le cap de Kingston. Rafale, où sont les gens en face de nous? Y'a personne, j'ai dit rafale. Où sont les gens en face de nous? Y'a personne. C'est le blood et les crips sont tout qui. Nique sa mère, tout pour la vie de pute. On y écrit, y'a pas de rap. Je le paye, fan rempli de gris-gris. Sol de bois, mon bam. C'est de la bandit, y'a de la musique. Pour m'éteindre dans plus qu'un instincteur. Je l'ai bien peur, même si qu'il est. La zone R, c'est le secteur. C'est X qui baisse l'inspecteur. J'ai, j'ai tombé. Croquet de yacht pour Taïwiz. Pour un rien ça braque sa dune. Chérie, j'serai ton baby boy. Baby boy. Croquet de yacht pour Taïwiz. Soldat de RT, dit tango. Le monde a reconnu, fait pas le mytho. 2-7-0, tu vois le niveau. C'est nous qui venons, c'est eux qui se tirent. Bande de Tchaga. Pas qui fasse, c'est moi qui frappe, c'est eux qui se couchent. Bande de Tchaga. Ils sont maïs, ils crament sur le beat. Oh. Tu connais l'équipe, oh. Passe à l'authentique. Dramatique sur les défaites, échappe à vos critiques. C'est plus du son musique qui tourne à Paris, j'y vois. T'as la chique, ouais. Je vais venir glocker. Bang, je vais les fumer. Bang, bang, fume les fumer. Épaulé par tous les quartiers. C'est trop tard. On s'est pardonné, les cloques ont déjà tous parlé. Je suis pas la lève du rap français. Non, je suis pas la relève du rap français. Non, je suis celui qui va l'arroser. J'ai ton baby boy. Croquet de yacht pour Croquet de yacht pour Taïwiz. Pour un rien ça braque sa dune. Pour un rien ça braque sa dune. Pour rien ça braque sa tire. La relève dorée, traite de jaloux. Et alors, dans l'arène comme un gladiateur. J'envole la street, appelle-moi XO le Condor. Je vois leur place, non, non. C'est le prince de la ville. Hey. Salut, c'est le prince de la ville. Trame ça la prod. Salut, c'est le prince de la ville. Tout qui tume. Yes, le prince de la ville est là ce soir. C'est XO au contrôle de la nocturne, 100% rap français. Avec ce morceau Prince de la ville. Yes. Alors évidemment, on pense aussi au 113, Prince bien de la sûr, ville. Bien sûr, 113, Prince de la ville. Toi, c'était quoi les influences, ce qui t'a poussé à rapper les... Moi, j'écoutais tout, hein, tu vois, les classiques, hein, Booba, Rof, tu vois, et les Lino, les anciens qu'on écoutait aussi. Mais après, derrière, plus Kenry, Génération Old School, Easy, Bonnet Thug, Diplomate. Donc ouais, pour la partie Kenry quoi, ouais, plutôt. Voilà, c'est ça. Partie Kenry, Biggie. Tu te souviens le tout premier morceau qui t'a mis une claque, tu dis putain, waouh. Un son Kenry. Ouais, Kenry ou français, c'est enfin un souvenir voilà de XO plus gamin, plus jeune quand il écoutait du rap français ou je rap pense américain. Que c'est un... Non, en fait, il y en a trop. Je ne vais pas te dire un nom. Pour de vrai, il y en a trop. Là, je vais dire un nom et après, demain, je vais dire merde. En fait, c'était pas celui-là. Ah merde, dans 5 minutes, tu diras non, il y avait un nom. Ah non, c'est pas celui-là, tu vois. Donc, ouais, le rap français, il m'a marqué. Hein. Il y a des morceaux qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Et... Bon, toi, comme t'es du 9-3 aussi, est-ce qu'il y a eu un ancrage et une identité du 9-3? Je pense à NTM, je pense à Tandem. Ouais, bien notamment, sûr. C'est des gens. Moins NTM. Ouais. Ouais, parce que vu ma génération, j'ai moins d'accroche. Je sais pas que j'ai pas écouté, mais voilà. Ouais. Tandem, ouais. Bah, vrai, oui, c'est Tandem, une question de génération aussi. C'est une question de génération aussi, mais après. On a appris hein, derrière et ouais, non, le niveau morceau, non, ça va. Bon bah, maintenant il y a toi. Voilà, il y a moi, il y a XO. T'es arrivé avec l'album qui est dans les bacs depuis quelques semaines, yes. Bandit Yagal. Bandit Yagal, c'est ça. à découvrir aussi ce soir dans la nocturne. Pour ceux qui l'ont pas encore, il est dispo. On peut l'avoir, si, par exemple, tout de suite, on peut le précommander, on peut le commander. Bien sûr, on veut. Bien sûr. On peut aller cliquer le prendre. Ouais, bien sûr, mais il va pas en rester, hein, donc il faut faire vite. Ça passe. Même sur le net, putain, ça va vite. Ouais, ça va vite. À ce point-là, putain, rupture de stock sur iTunes. Ce soir. Je crois, on serait les premiers à le faire. C'est pas mal quand même. C'est un beau concept. Ouais, c'est un beau concept, mais je pense pas qu'on est encore à ce niveau-là. Allez cliquer, en tout cas, ce soir on découvre aussi. Tout à l'heure il y aura du live avec toi, Exo. C'est ça, ouais. On repart sur quoi comme morceau? On repart sur Drug and Money, hein. Voilà, Drug and Money dans la cabessa. Pour ceux qui connaissent pas, grosse rodka, j'arrête pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ben on y va, c'est parti. Yes. L'ennemi. Drug and Money dans la cabessa. Grosse rodka, j'arrête de pleurer. J'ravitais le tiercar comme le rockma. La drogue est tout bois, les keufs font nos mois. Les jaloux les bois, merde tu tricas. Faut que je me prépare. Bang, bang. Pas temps de me venger de ces bâtards. J'ai le lendemain dans les rues de Dakar. On m'a aperçu dans un poulet, c'est la folie. Avec Bouki comme un collier d'une espèce. On le manie, les enclis, les hippies vont taper comme de la pluie. Lucky, lucky, X-O-A-G. Drug and money, y'a plus de petits. Depuis le prolique, chaîne de guerre nourrie en gros chip. Pas trop rock, aussi de l'authentique. Musique, bang, bang. De quoi il parle? De quoi il parle? Tu meurs que, tu meurs que. Pourquoi il crève? C'est le 3.2. Je les ai vu venir, s'installer. Je les faire fuir. Au nom de la stou qui parle. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Mais où tu fais ça? Mais où tu fais ça? Grosse rodka, j'arrête de pleurer. Grosse rodka, j'arrête de pleurer. Grosse rodka, j'arrête de pleurer. Grosse rodka. L'hiver à Bangkok, l'été à Saint-Tropez. Putain de train de vie, comment l'expliquer au broc? Toute l'année en lock, crié par les cops. Toujours bloqué, y'a un contrat sur ta tête. L'attaque au coquette, pleurer de boîte à gars. Mais où ils aiment ça? Paye bout de bois, chicha, tello, tchaka. Mais où ils veulent ça? Les camés sont gavés, cramés, étalés sur le macadam. Tu l'as fumé, douillé, faut sortir ta madame. Ils sont venus cagouler dans ton appartement. Balle dans la tête, comportement. Balle dans la tête, comportement. Charbonneur, puis graveur à plein temps. Grosse coca, j'arrête maintenant. Wesh Christian, sur le bolide, ce soir c'est X dans le club. Salle de bain, où j'fais de la bandiaga, la musique, yes le plein. Wesh Christian, sur le bolide, ce soir c'est X dans le club. Salle de bain, où j'fais de la bandiaga, la musique, yes le plein. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Mais où j'y fais ça, mais où j'y fais ça. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Grosse vodka, Tuki, t'as vu ce qui se passe, il est temps de lancer le missile. Rafale sans sommation venant de la Sibérie. Préparez vos barbales et vos broliques. L'été ou Hood annonce sa verse des sang sur la police. Wesh Christian sur le bolide, ce soir c'est X dans le club. Salle de bain, on fait de la bandiaga, la musique, il le plaît. Wesh Christian sur le bolide, ce soir c'est X dans le club. Salle de bain, on fait de la bandiaga, la musique, il le plaît. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Drug and money dans la cabessa. Mais où tu fais ça, mais où tu fais ça. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Grosse vodka, j'arrête de pleurer. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Mes ancêtres, j'ai fait sous terre, j'pourrais enfin me reposer. Y'a que ta famille qui compte sur moi, j'peux pas renoncer. Fils d'immigrés, nos pères ont ramé 221 000 raisons pour me pas. Ils appellent à la paix, mais d'où viennent ces stars? Africa Cash, Africa Cash. Mais d'où viennent ces stars? Africa Cash, Africa Cash. Le cimetière des bastos, Africa Cash. Ils ont pressé sur la détente de mon Africa Cash. Africa Kalash, Africa Kalash. Ils ont pressé Marcher sur la détente de mon Afrika Kalash. Assis sans trône en or, mais elle fait la manche. Ils ont pressé sur la détente de mon Afrika Kalash. Mon père accueilli par l'exploitation en fuyant la Zermie. Son fils accueilli par les tentations en suivant les yébés. Je suis tombé dans la bébé pour me relever de la secret. Hors la loi, mais je suis dans la nôtre. Moi, je crève d'appétit. Ils ont volé les munitions de mon Afrika Kalash. L'Occident tout orchestré, regarde nos entretuits, toi qui l'assises sur le canap. C'est les dictateurs, tes dictateurs, ils font les démocrates. Les gants cachés sous une auréole, mais les démocrates. Jean Coton, sans colon, change le monde, les corbeaux contre sans colon. Marianne, garde le son, laisse-moi au fond de la classe. J'attends la création pour arracher tout ça. Ils appellent à la paix, mais d'où viennent ces armes? Afrika Kalash, Afrika Kalash. Mais d'où viennent ces armes? Afrika Kalash, Afrika Kalash. Le cimetière des Bastos, yeah, Afrika Kalash. Ils ont pressé sur la détente de mon Afrika Kalash. Afrika Kalash, yeah, Afrika Kalash. Ils ont pressé sur la détente de mon Afrika Kalash. Assis sur un trône en or, mais elle fait la manche. Ils ont pressé sur la détente de mon Afrika Kalash. Mon grand-père était tirailleur, il s'est battu pour la patrie. Son petit-fils sera dealer, ils ont pas payé sa partie. Or pour or, argent pour argent. La médaille de papy n'a pas fait gémant ses enfants. Madame la juge, avant de me punir, j'attends qu'on punisse ta république. Braquage, carnage, arnaque, mon Afrika Kalash aussi la subit. On vit la survie, on vit la survie. Lion de la terre en gras, ils nous font rugir, on les fera rougir. Mon Afrika Kalash est enrayé, donc on lui fait des coups d'état. Elle est affaiblée par des corrompus qu'ils ont placés pour nous péter. Où sont mes Lumumba? Mon Afrika Kalash veut ravaler. Où sont mes Kite Kunta? Badiaga Live, sans savoir où ça m'emmènera. Des années loyers sans être propriétaire, fils d'immigrés, je veux ma villa. Monnaie sale, amour propre. Maman, ce que tu soucies dans la rue, c'est Amoudra. Ils s'appellent à la paix, mais d'où viennent ces armes? Afrika Kalash, Afrika Kalash. Mais d'où viennent ces armes? Afrika Kalash, Afrika Kalash. Le cimetière des Bastos, yeah. Afrika Kalash. Ils ont pressé sur la détente de mon Afrika Kalash. Afrika Kalash, yeah. Afrika Kalash. Ils ont pressé sur la détente de mon Afrika Kalash. Assis sur un trône en or, mais elle fait la manche. Ils sont pressés sur la détente de mon Afrika Kalash. Sur les bras de mes ancêtres, et puis sous terre, je pourrais enfin me reposer. Y'a toute ta famille qui compte sur moi, je veux pas renoncer. Fils d'immigrés, nos pères ont ramé 221 000 raisons pour me barrer. Afrika Kalash, Afrika Kalash. Afrika Kalash, Afrika Kalash. Libérer les X. Afrika Kalash, Afrika Kalash. Afrika Kalash, Afrika Kalash. Yes. Force à mes cloches et que tu m'écoutes. Tous les enfermés, Yastok, Vivi. Yes. Christian. C'est la nocturne avec le projet d'Ixo à découvrir ce soir encore dans la nocturne. Le morceau qui s'appelle Afrika Kalash. On l'écoute à l'instant. C'est un morceau bien travaillé. Tu veux d'ailleurs dire un mot avec les gens qui t'as bossé en prod dessus Ouais, en fait, c'est une prod de thérapie. Hein. Mmh. C'est une mélodie qui m'a tapé. J'ai sorti dessus et puis on a kické dessus. Hein. Et derrière, après, le clip réalisé par Dekdek. En fait, c'est mon entourage, en fait. Hein. Tout le projet a été fait avec mon entourage et ceux qui sont autour de moi. Donc tous les gens, tous les proches, ce soir, il y en a une partie qui sont là à tes côtés, qu'on écoutera en live dans quelques minutes. Mm-hmm. On va repartir sur une nouvelle session, Exo, tu veux bien? Yes, ok, pas de problème. De son pour te découvrir, toi, ce soir. D'ailleurs, si vous avez des messages, allez-y, 41759. Pour ceux, vas-y, on va envoyer LAX. LAX. Ouais, LAX. On va balancer ça. Ouais, et ça. Rappelle aussi les réseaux sociaux où on peut te suivre, oui, avoir des infos sur ça. La page Facebook Ixo, il y a tout, Twitter, Instagram. Et il y a les t-shirts sur t-shirtepop.com. Vous pouvez récupérer les t-shirts TP là-bas. Et voilà. Ixo avec nous ce soir dans la nocturne 100% rap français. Bad Boy Benji. Bad Boy Benji. Bad Boy Benji. Bad Boy Benji, I got life, life, life, life. Bad Boy Benji, I got life, life, life, life, life. Tuki, bé, tuki, bé. My money, on sort les autres titres et kaki pour ces harkis. Bon, nous connaître, pas les couilles de ce qu'ils disent. Critique X, Kex. T'es d'une autre planète, ils galèrent sur le net. T'es nous dans le hood, posé devant ton écran. Nous dit que c'est nécroc. Chante de face comme de flow, les potos diront c'est X-Zone. Car tu me connais comme c'est l'as, la monde est hors. Collé à la rue comme c'est bédot dans ta cheval. Sors le fume, le fais tourner le morceau. Capitaine du navire, je cours avec mon bateau. Je vais partir en homme, bas les couilles de jeu, les aircon. Ils sont pas d'accord, le son sandricain, pourtant je viens d'abord le nord. Ils sont pas d'accord, le son sandricain, pourtant je viens d'abord le nord. Pharmacien de game, j'tiens un drugster. On fout la caillotte là comme une rockster. On gère le bus, gros budget, t'es un blockbuster. Je perds à ses rappeurs. Trop de flow à croire que j'tape dans la farine. Non, j'rappe sous codéine. Non, pas de blabla ici, mais you why ils partent dans le fond. Bendy, I got life, oh my, c'est fight for older, baby. Fuck you, baby. Mais je suis pas du B2K. À France, c'est les keufs qu'on fait danser. Au comico, ça parle pas, même enfermé. Formé comme un soldat des RGT. Fuck la France, je pars en mission pour m'enrinter. Je fais la diff et je me démarque de tous ces MC. Black Panther, ma tête est mise à prix. Black Power, j'ai signé pour Pepsi. On se lance dans la salle, bien pécho chez nous. Les plus vrais dans ce game, cherche pas, c'est nous. Cherche pas, c'est nous. Sevrant les R, de quoi les rendre fous. Talent ou pas, j'ai toujours charbonné. En direct depuis LA, you know what I say. Tout qui paie la sauce, c'est les tarots seront salés. Par nous en monnaie. C'est toi qui la pénètre, mais elle crie mon nom. C'est toi qui la pénètre, mais elle crie mon nom. C'est pas de ma deux, faut le flopper à ta go. Fusil à pompe au cadet qui proco. Un classique comme le crocodile sur le polo. Volant mais négro pour être à la demo. Bad boy Bendy, I got life, oh my. C'est fight for older, baby. Fuck you, baby. Rap français, planète rap. La nocturne. Okay. Tuki team, c'est le son de l'équipe. Okay. Tuki P, force à nous, libérer le X. Qui frappe en pas, c'est la Tuki P. Montez à bas, c'est la Tuki P. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Tuki team, qui frappe en pas, c'est la Tuki P. Montez à bas, c'est la Tuki P. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Par mathématiques, mathématiques, baisse elle, Tuki P, ça c'est l'équipe. Il prend un coup des gaines, bloc, je fais la team sur le beat, mets des chaînes, flow automatique. Belek, flek, se rend clean, faites place, c'est la Tuki team. Il fait 40, lundi, débat, cravate, débat, collectif. Y'a ce billet de motif cartonné. Sur le travail payé, y'a le bas de charbonné. Je fais le TBC en sous-trac comme un Sagoro sous comme un gras. J'pousse la contre les gros bras. Va, oh, oh, tout qui m'effrappe. T'inquiète, poto, panique pas. L'antidote, l'antidote, tout qui paie. 9-3, cassos, bastos, brolic, équipé. Fusil d'assaut. a pas cru en nous va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Qui frappe en pas, c'est la tout qui paie. Montez à bord, c'est la tout qui paie. Qui a pas cru en nous va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Force à toi, force à toi, on va les pousser à la faute. L'antidote est l'authentique, tout qui paie, c'est la société. Soldé par mon bâtardé, les Baltic Boys comme bouclier. L'argent qu'on ramasse est très sale, comme les crimes de tous mes tollas. Que des rafales de bam bam, soulevé de bruit de tam tam. Se croyant dans Power ou Abamac, t'as ce grand 10 minutes de Paname. Passe le salam à D.I. à Doumams. Rafale dans la merde, et pas dans des boucas. Et si mon négro, il te reste quelques balles. Poisson négro qui te veut que du mal. Ce franc et c'est Inco, Ixo, Sico, Ibraco. Connexion de mauvais Joe dans la zone. Tout JP et le seul à sauce. C'est ce franc et c'est Inco, Ixo, Sico, Ibraco. Deux, trois Joe, Postum, Joie et rien de nous dans la street comme l'ex Moro. Qui frappe encore, c'est la tout qui paie. Montez à bord, c'est la tout qui paie. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Qui frappe encore, c'est la tour qui paie. Montez à bord, c'est la tour qui paie. Qui a pas cru en nous, on va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous, l'équipe. Que Dieu nous bénisse. Qu'aussi qu'elle passe sa rive, t'es sans force, tu prends du service. Tout qui team les frappe fort. Se prend les R9327. Banlieue Madine Paris, la capitale, je veux la recette. So, give la cala, je suis d'humeur à faire un drive-by. Mandat casse qui se ramène à Tango, Bicraft son Tamas. Test contre test, rafale de balles, corps au sol. Guerre de bandeau, merde des lois, des lois du talion, ils irènent. Boy, qu'aussi qu'elle passe sans oppresser. Faire tu le sens, je vais pas te laisser. Écoute nous son, tu vas tester. Tout qui pète dans le game va te blesser. Quand tu gagnes, tu nous connais. Nous, c'est ce front de 7. Représenter le game, tu nous connais. Nous, c'est 7 de 7. Qui frappe encore, c'est la tout qui pète. Montez à bord, c'est la tout qui pète. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, va bien l'équipé. Qui frappe encore, c'est la tout qui pète. Montez à bord, c'est la tout qui pète. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, pas bien équipé. Et les OKIE, je représente l'équipe. On n'est pas tout seul, et c'est vraiment derrière. Et toutes les banlieues, pour nous arrêter. Pourquoi tu fasses peur, tu vois le drame. Faut du gramme, t'occuper dans le crâne, t'occuper dans le torse. Tu ne trouveras pas, tout comme les barcos. Appelle-nous quand ça se torse. Tout qui team, y'a des attaquants. Y'a que des attaquants, indépendants depuis l'enfance. Depuis l'enfance, les hypocrites deviennent des panneaux tranches. Comprends pas ce qui s'est passé, c'est bien libre à cause. On pense bien qu'on les a blessés. Jamais sans tout qui, non, j'ai pas le répéter. C'est bon, RGT, c'est la zone détestée. Sale de bois, maman va les fumer, c'est fils de 1. Sale de bois, maman va les fumer, c'est fils de 1. Bang, bang. Qui frappe encore, c'est la tout qui paie. Montez à bord, c'est la tout qui paie. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Qui frappe encore, c'est la tout qui paie. Montez à bord, c'est la tout qui paie. Qui a pas cru en nous, va le regretter. Tu veux faire la guerre, sois bien équipé. Tout qui team, force à mon équipe. Pour mes projets Bandiagan, Yasko, Les, Musko, Chou, Capsule, Musko, Les, Fascaro, Capri, Place, toujours à bord, salut, Rico du Gang, Gang, GT, Fatima. C'est la nocturne et c'est Ixo au contrôle de la nocturne. Yes, yes. Avec ce morceau Tuki Team. Tuki Team. Ouais. Un petit mot donc sur ce morceau. Ouais, Tuki Team, c'est mon équipe, hein, tu vois. Mm-hmm. On est, cette année, c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui, tu vois. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai jamais été tout seul. Que ce soit les clips, les sons, vidéos, interviews, tout ce que tu peux voir, c'est mon équipe qui organise tout ça. C'est eux qui me poussent. S'ils sont pas là, frère, je suis rien, tu vois. Et ils sont là, il y a une partie qui est là ce soir. Voilà, c'est une partie qui est là en fait aujourd'hui. Et voilà. Et Tuki, c'est aussi pour le nom du producteur, manager. Voilà, manager et aussi le nom du label. Du label, ouais. Voilà, c'est ça. Marque de fringues aussi, non, il y a pas. Voilà, c'est ça, si, bien sûr. C'est, fringues, aussi, hein. C'est la marque aussi que tu portes dans tous les clips. Mmh. Pour tous ceux qui veulent Un t-shirt TP, casquette, pull, tout ce qu'il faut pour l'hiver, bonnet. Vous passez sur ma page Facebook ou bien vous allez sur t-shirthiphop.com. Il y a le t-shirt d'Ixo et son équipe que vous pourrez retrouver là-bas. Et bah allez cliquer, allez faire un tour. On va passer au live dans un instant. Yes, yes. Est-ce qu'on repart sur deux morceaux juste avant le live ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non. On va repartir sur un morceau où je me suis bien amusé dessus, c'est un délire pour moi. Mm-hmm. Très, c'est une Matrix Tag Life. Ok. Voilà, c'est un délire. Et bon, ouais. Il t'emmène. Que tu le veux ou non, frère, tu voyages. On va repartir dessus. Et bon, on le balance maintenant. C'est yes. Extrait de ton album qui est toujours dispo. Toujours dispo. Bandiaga, l'allée le pécho. Premier projet d'Ixo, frère, c'est qu'une frappe préventive. Il est en support physique ou alors on peut le commander là maintenant. Voilà, c'est ça. Ixo avec nous. Le live qui se prépare aussi. Anna. Tag live à la tournée. Des rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la tournée. Des rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la tournée. Des rappeurs se comportent comme Anna. Des rappeurs se comportent comme Anna. Des rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la tournée. Tout bénef dans Zen. Crois pas que tu gères ton esprit. Tout bénef dans Zen. Crois pas que tu gères ton esprit. Tout bénef dans Zen. Crois pas que tu gères ton esprit. La rue t'a rongé l'esprit. La rue t'a rongé l'esprit. Ces rappeurs se comportent comme Anna. Flow tranchant comme un katana. Poussif aussi fragile, pas besoin comme un grain. Pour les baisers plus violents que le kramada. On est à ses ordures s'ils font les cons. Langue à la poubelle, on a rangé le peupon. Venez chez nous, ils tirent par un soldat. Ou sous un drap. Imposé le guide, j'ai perdu son impact. Y'a que mon poilu qui m'appelle. Poilu que d'être toi Eiffel. YZ, grosse bécane. Ouais, là je me sens à l'aise. Ça fait grave les armes. Ouais, c'est 93. Prison apocalyptique, bouillon comme la presse. Hein, c'est comme ça chez nous. Comme ces hypocrites me conseillent de me ranger. Hein, allez, cassez-vous. J'ai des secrets sur vous que j'amènerai dans ma tombe. J'ai vu tellement de choses immondes. Plus les gens parlent, plus ça partage. Plus ils sont pas sur toutes les sons. L'état pas organisé. Mon enfant me retenait. Vrai croyant malgré le mal qu'on fait. Malgré le mal qu'on fait. Et je repars charbonné. 5 fois par jour. On me lave de mes péchés. Nous malmenait. Le chétan a su nous malmener. Les rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la tournée. Les rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la tournée. Les rappeurs se comportent comme Anna. Les rappeurs se comportent comme Anna. Tu gères ton esprit, tout bénef dans zen. Crois pas que tu gères ton esprit, tout bénef dans zen. Crois pas que tu gères ton esprit. La rue t'a rongé l'esprit. La rue t'a rongé l'esprit. Tag live depuis Little, seul, face au micro de cette zéro flow qui est sur le dos. Zéro. Je représente les ghettos qui font peur à l'état, qui veulent raser comme un Rio. Le roux dans lui-même nique ça. Le roux dans lui-même nique ça. J'ai fait chatouiller la gâchette. Pourquoi ils mouillent tous du clinton? Dans la rap, dans la clé, tout est faux. Dans la vie, dans la street, tout est faux. Sec de bouche de vieille, rempli de radon. Une balle dans le dos, c'est vite arrivé. Par ces rappeurs avec qui t'as plus rappé. La coupe se gagne, le bâtard la perd. Le rap, la rue, laisse nous faire. On va se barrer d'ici, sans prendre du ferme. La tête dure, même après des barres de fer. Dans le crâne, Mouillou va revenir des terres. Pour te canner, la folie est meurtrière. La haine du bas de policière. On a connu des perquises de quoi te traumatiser. Cagoulé ganté devant le daron menotté. Ce qui nous pousse c'est l'amour du blé. Ce qui nous pousse c'est l'amour du blé. Inestimable plus chéri, sape que l'or. Nos mères versent des larmes pour une histoire de merde. J'ai arrêté la drogue, je veux vendre des jeans. J'ai arrêté la drogue, je veux vendre des jeans. Ces rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la Tony. Ces rappeurs se comportent comme Anna. Tag live à la Tony. Tag live. Ces rappeurs se comportent comme Anna. Ces rappeurs se comportent comme Anna. Tu gères ton esprit. Non, non. Tu gères ton esprit. Des frais, je sais que tu m'entends. Force à vous. Force. Yes. Libérez les X. Tous les enfermés. Ce soir, branchez-vous. Docteur Damien. Force à lui. Force. Bang, bang. C'est one love pour ma terre. C'est mon club pour le terre. Plus de monnaie, billets verts. Le rap, la rue, laisse-moi faire, et ça fait bang bang bye bye, laisse ta place au air. Bang bang bye bye, laisse ta place au air. C'est moi love pour ma terre, c'est mon club pour ta terre. Regarde Damien, billet vert, le rap la rue, laisse-moi faire, et ça fait bang bang bye bye, laisse ta place au air. Et ça fait bang bang bye bye, laisse ta place au air. C'est moi love. Galson Paradise, ma patrie. 221 000 raisons pour me barrer. Tu sais le club. Comme à l'eau, je vais les sombrer. 11-43 chargés, remplis, personne n'est épargné. Sale, sale, sale sur nos affaires. Les camions cramaient le quartier. Plus le monnaie, son grand frère. Le respect, j'ai dû gagner. Percé par la violence. Sevrant, les airs m'ont formé. C'est ma street, faut l'assumer. Pour rien, c'est fait fumer. La rue, c'est la Tennessee. En passant par le Maroc. Restez international tout en restant bloqué dans l'OL. Tout le monde a son poste, chacun a son rôle. Quelques dommages collatéraux, la mort ou la gueule. Pour ma terre, c'est mon club, pour garder plus de monnaie, billets verts. Le rap, la rue, laisse-moi faire. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. C'est moi love pour ma terre, c'est mon club, pour garder plus de monnaie, billets verts. Le rap, la rue, laisse-moi faire. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. J'enchaîne les phases des fraudes, de plus en plus de fans en folie. Face à toutes ces femmes exécrables, dites-moi comment rester poli. Molly, molly, cette salle a fini dans le lit. Groupé, accroupé, j'enchaîne plus comme Snoop Doggy. Comme une puce maigre en latège pour pas se faire griller. Seuf en plage pour t'en y apprendre à skier. Avalanche de neige pour un océan de billets. Sans ton équipe, c'est qu'une victime démasquée. Paul masqué et le rap game, ils veulent tous nous ressembler. Nous on cherche qu'à se barrer, nous raconte pas ta fausse vie. Pas plus de vécu que mon selfie. Tout qui paie l'industrie. Casquette, t-shirt, ta pipi. Qualité oblige, les gros ouais. C'est one love pour ma terre, c'est mon club pour garder. Plus de monnaie, billets verts. Le rap, la rue, laisse-moi faire. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. C'est one love pour ma terre, c'est mon club pour garder. Plus de monnaie, billets verts. Le rap, la rue, laisse-moi faire. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. Et ça fait bang bang bye bye, laisse la place au air. C'est mon club. Plus de monnaie. Yes, force à tous mes soldats qui se sont déplacés ce soir. Casca c'est là, Mesca est là, Kerjo est là, Nico c'est là. Yes. Ok, force à nous, tout qui team. Bakoro, je sais que tu m'écoutes. Sors du fer. C'est la nocturne. Arrête de plier, sors du fer. 100% rap français avec XO, contrôle de la nocturne et ce morceau qui s'appelle Docteur Damien. Docteur Damien. C'est ouais, ce c'est qu'on ça. Écoutait à l'instant. Docteur Damien, c'est une dédicace avec l'ingé avec qui on bosse. Il aimait bien la prod, c'était son délire et moi j'ai bien aimé. Et donc tu lui as dit, tiens, je t'offre le morceau, il est par toi. Il est sur l'album d'XO qu'on découvre ce soir dans la nocturne 100% rap français d'après le contrôle. Et maintenant l'heure est venue du live, XO, avant de se quitter pour ce soir. Bon, te laisser rentrer tranquille. Généralement vendredi soir c'est quoi, à la maison, des concerts, des non ouais si on est booké bien sûr. Mais sinon là ça va rentrer calmement à la maison, posé. Il y a des concerts pour toi d'ailleurs 2015, on va pouvoir te retrouver 2015 si Dieu le veut. Il y a des concerts normalement prévus février et janvier. Les dates ne sont pas confirmées, mais des concerts arrivent. Donc suivez XO, vous aurez toutes les dates. Voilà, c'est ça. Toutes les infos. Voilà. Vous allez sur Facebook, faites péter les Twitter, XO, Facebook, Instagram, partout, on est là. On attaque le live ? Ouais, c'est ok. T'es prêt ? Yes, c'est parti. Allez, coup d'envoi du live maintenant. Salle des bains, mon. H24, 7 jours sur 7, dans la street, ça répit, sort de ton bloc. Moi, je remplis les Yankees, des villes, on a Kamel, Vinci, sort de ton bloc. Gros son caille, je passe toute la tête. Gros son caille, je passe toute la tête. Miss, fais ta plaisir, bouge tes fesses. C'est X, ça, c'est remix, tout match. Ton bloc, t'as fait du bif, tout l'hiver. 4, c'est dur sur 7. On a sorti les bolides, les personnes contestent. Il faut qu'un gramme pour leur faire bouger la tête. Et les caps qui prennent pas pour leur futur s'inquiète. On les baisse, libérer les X de la TS. Qu'on pas vieillir dans ce rap game. Ton trône pour moi n'est qu'une chaise. J'aime bien sous le check-out et ça se bat encore l'accord. Des trois racks, les after tell, négro. Le sans zigzag qui tombe dans le bigo, bigo. La plupart se mettra, y'a trop de écho, d'écho. Ça porte l'œil, mais y'a pas de couilles. Pas de couilles. Voilà pourquoi ça mouille. Ça mouille. Avec un bloc, on se débrouille. C'est X remix tout match. Soldé. H24, c'est dur sur 7. Dans la street, ça répit. Sors de ton bloc. Poche remplie, les Yankees défilent. On a cramé d'ici. Sors de ton bloc. Pose mon caille, j'en bosse toute la tête. Gros son caille, j'en bosse toute la tête. Miss, fais ta plaisir, bouge tes fesses. C'est X sur le mix tout match. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Reconnu dans toute la France, c'est le 9-3. Reconnu dans toute la France, c'est le 9-3. Ça fait défaire ça, même en comme ça. Mes charbonneurs sont comme ça. Fort boucher le coup, ça pense comme ça. 10 balles claquées pour des cancers. Le roule Twingo dans le check-up. Putain de train de vie dans l'Ossa. Gros billet, sors les petits de la tête. Gros billet, sors les petits de la tête. Je sais ce que la galère peut faire les yeux plissés. Passe à la Honda. Mais prends pas les petits de la cité. Veulent faire tous comme moi. Bah ouais. On vit la rue, petit frère. Crois pas tous ces rappeurs. Ils sont pas comme moi. H24, c'est dur sur 7. Dans la street, ça répit. Sors de ton bloc. Poche remplie, les Yankees défilent. On a cramé le ville ici. Sors de ton bloc. Gros son caille, j'en bosse toute la tête. Gros son caille, j'en bosse toute la tête. Miss, fais ta plaisir, bouge tes fesses. C'est XO sur le remix tout match. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sort de ton bloc. 7-5-7-6, sort de ton bloc. 7-7-7-8, sort de ton bloc. 9-1-9-2, sors de ton bloc. 9-3, 9-4, 9-5, sors de ton bloc. À toutes les banlieues du sud au nord, sortez du bloc. À toutes les banlieues de l'est à l'ouest, sortez du bloc. Été comme hiver, mes charbonneurs sont trop déterres. On a plus perdu dans les pères qui sa mère. On a plus perdu dans les pères qui sa mère. Nachet à H24, c'est dur sur 7. J'en répit, sors de ton bloc. Les Yankees défilent, on a cramé le bici. Sors de ton bloc. Gros son caille, j'ambiance toute la tête. Gros son caille, j'ambiance toute la tête. Miss, fais ta plaisir, bouge tes fesses. C'est XO sur le mix tout match. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sors de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sors de ton bloc. Ton bloc, à qui tu pives tout l'hiver, sors de ton bloc. Tu pives tout l'hiver, sors de ton bloc. Yes, pour ça nous. Yes, allez sur la page, vous pouvez retrouver le clip. Hashtag, il est en ligne depuis 20h. Gros clip pour nos Havre. Le morceau est lourd, on va le faire en live. Hashtag en ligne sur FB. Bang. T'auras prévenu l'homme. T-shirt hip-hop.com. Allez, pécho, les TP sont là-bas. Les voir. Grosse casse d'aide à mon gars au sous-cache qui en heps. Yes. A tous mes gars de la Marouge en prison. Accompagné de mon gars Léos. T'auras prévenu là, mais le Havre sauveran. Y'a les places en hashtag. Libérer les X. J'aime Brûlis qui est venu prendre le rinté. Marlo. Pas de détails, tu l'auras la pesée. 6 gros. J'ai trompé la France, trafic d'influence. Sarko. On fait pas semblant, on mettra nos gants. Braco. Pour une douille sale, pour la mythe sale. J'fais de la drill, musique, j'appelle au kill. Le savoir est une arme sale, sale. On t'arrache l'oreille avec un semoir. Iron Mike. C'est moi le danger, j'frappe à ta porte. Walter White. J'fous la caille comme une pourca à Paris. Qatari. Du Havre à Sevran dans la jungle on vit. Safari. Ouais t'as fait ci, t'as fait ça, t'étais là. Gros mytho. Devant les gaffes, t'as craché les œufs plats. Vomito. Quand ça parle de la street, y'a nos places en hashtag. Tu 9, 3 ou 7, 6, y'a nos places en hashtag. Honneur et principe, y'a nos places en hashtag. Bidonville, démunis, Hermé, Chris, y'a nos places en hashtag. On fait pas semblant, on fait du sanglant. On fait du sanglant, on mettra nos gants. On fait pas semblant, on fait du sanglant. Je reconnais pas ce drapeau, le sang en rouge, le bleu et le blanc. À l'ivoire, Xo, t'attendais la frappe, inédit. Couvrez-vous l'hiver, vient tout est glacial, Sibérie. À cause du vécu sur nos vies des balafres, Ribéry. Même en finale, de coupe du monde tu nous parles mal, Zinedine. Le savoir une âme, vise, FNG, vise, FNG. Y'a plus de balles, on prend les crânes, Sif, penalty. Quand ils se baigneront dans l'eau endormie, Tsunami. Pas de limite, lyrics qui piquent, j'milite, Malcolm X. Faites de la place au VOR, pas de guerre froide, on dégomme le rideau de fer. Dans nos ghettos, plusieurs ont pris 10 enfers. Ça craint pour l'avenir de nos petits en guerre. Pas de super-héros frères, Chris, cocaïne et romerde. Y'a tellement de rails qu'Astral à nos ghettos deviennent des réseaux ferroviaires. Quand ça parle de la street, y'a nos places en hashtag. Du 9-3 au 7-6, y'a nos places en hashtag. Honneur et principe, y'a nos places en hashtag. Bidonville, démunis, Hermie, Chris, y'a nos places en hashtag. On fait pas semblant, on fait du sanglant. On fait du sanglant, on mettra nos gants. On fait pas semblant, on fait du sanglant. Je reconnais pas ce drapeau, le sang en rouge, le bleu et le blanc. On est fiers et déter, on a la haine, Végéta. 5 étoiles dans nos rues, pas sur l'hôtel, GTA. On veut tout prendre, passe à la caisse, TVA. Je suis le loup qui bouffe le coq et le saigne, Sénégal. Rouge-moi, rougeon, on hashtag à l'ivoire. XO, 7-6-9, à 2-7-0. Libérer le nord de toutes les prisons. La cargaison arrive du port. Fini tout droit dans la banlieue nord. La connexion, c'est X et bord. Tous les pirates sont montés à bord. Rebelles et résistants jusqu'à la mort. Arafat. L'espace des cheveux, les fumeux, j'ai des sorts. Carabas. Soldat. Le PT des thunes, on baissera pas nos frocs. Anelka. Soldat. J'préfère la prison que la soumission, mon pote. Mandela. Bandi à Gal dans les bacs. Yeah. Allez, pécho, hashtag. Clip en ligne sur YouTube. Wouh, wouh, so LA. Quand ça parle de la street, y'a nos places en hashtag. Du 9-3 au 7-6, y'a nos places en hashtag. Honneur et principe, y'a nos places en hashtag. Bidonville, démunis, Hermie, Chris, y'a nos places en hashtag. On fait pas semblant, on fait du sanglant. On fait du sanglant, on fait du sanglant. On mettra nos gants. On fait pas semblant, on fait du sanglant. Je reconnais pas ce drapeau, le sang en rouge, le bleu et le blanc. Allez voir, XO, on fait pas semblant. Ah, non, force à nous, force à nous, tout qui pète une record dans le building. Rougement, rougement. On fait pas semblant, on fait du sanglant. On fait du sanglant, on mettra nos gants. On fait pas semblant, on fait du sanglant. Je reconnais pas ce drapeau, le sang a rougi, le bleu et le blanc. Bang, bang. La Nocturne avec XO et un morceau hashtag avec Alivor, hein. Gros morceau qu'on retrouve sur l'album d'ailleurs. Voilà, c'est ça, Alivor, c'est la famille. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste chez Dean Records. Ouais. Frère, pour moi, comme j'ai dit, hein, c'est le meilleur kicker que je connais. Donc il y a une connexion entre Le Havre et Sevran. Voilà, c'est familial depuis. Se connaît depuis, ça fait long time. De toute façon, il va se présenter s'il a le temps rapide. Bah ouais, vas-y, Alivor. Ouais, moi c'est Alivor. VOR, ça vient du Havre, Marouche, à tous mes gars qui m'écoutent. Donc voilà, ça fait 2 ans chez Dean Records. XO et moi, on se connaît bien avant ça. Et voilà, Bandi à Gal dans les bacs, allez chercher ça. C'est du vrai, c'est du authentique. Voilà, c'est toi, pas du blabla, c'est pas du faux rap comme on entend, tu vois. Et toi, tu prépares quoi alors, Livre? Moi, ça va arriver après, tu vois. Pour l'instant, je suis plus dans l'exposition au niveau vidéo, etc. Après, pour courant 2015, on aura un projet qui va arriver. Et j'ai peur pour les rappeurs qui sont face à aller voir. Parce que, moi, je l'affirme, moi, je te dis. Hein, c'est certifié, aller voir, frère. C'est complet. Et ben, on a eu la preuve là, à l'instant avec ce morceau qui s'appelle Hashtag et qu'on retrouve d'ailleurs sur ton album. Hein. Voilà, c'est ça. C'est normal, c'était obligé de toute façon. Et ben, merci pour cette soirée, ce début de soirée avec toi. Hein. Merci à toi, Fred. Hein. Merci à toute l'équipe qui était là. Ouais, merci de nous avoir invités déjà. Merci à vous. Pour nous, rappelle, c'est lourd. Hein. On est indépendant, nocturne, tu vois. Et ben, avec grand plaisir, on rappelle que c'est sorti début décembre, hein, le projet. C'est ça, début décembre. C'est le premier, je crois. Bandiagal dans les bacs, disponible partout. Et on est vraiment, vraiment, vraiment content de ce qui se passe en ces temps-ci avec le projet. On s'attendait pas autant.

servi de faire des études. Je me suis trouvé un taf, je suis diplômé. À l'époque des issues, j'en avais pas des milliers. Le temps s'écoule aussi vite que l'argent s'épuise. Le sourire de ta mère seule te maintient en équilibre. T'as décidé de lâcher la main d'une SB. Tu t'es recentré sur ta foi pour reprendre goût à la vie. Dans la passe, t'écoutes et n'incites pas. Puis t'as repris les cours, même si c'est dur, tu t'es dit que tu résisteras. Tu as laissé le terrain pour des cours de soutien. Franchement, Béné, est-ce qu'à l'époque tu te souviens? Ouais, je me souviens avoir déconné. Avoir mis mon avenir en danger pour des billets. Je sais, j'ai fait du mal à ceux que j'aimais. En pleine obscurité, j'ai mis du temps pour être éclairé. Aujourd'hui, j'ai changé. J'ai compris que l'illicite, c'est pas ce que je visais. De cette spirale, j'ai réussi à m'échapper. Et dans cette impasse, mon issue, je l'ai trouvée. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois, Béné, ça sert tenir les études. Bacard. Tu t'es trouvé un taf, tu t'es diplômé. Béné. Car de nos jours, des issues, y'en a pas. Kerry James. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois, ça m'a servi de faire des études. Je me suis trouvé un taf, je suis diplômé. À l'époque des issues, j'en avais pas des milliers. 100% rap français. Planète Rap. Okay. La nocturne. Cœur smooth. Smoker dans la nocturne. 4, 3, 2. Yeah. Crime derrière le cockpit. Goûter la merde afin de mieux savourer le goût du caviar. Tellement traîner ma gueule au tiex, j'en poustillonne des gravats. J'cours pas après les filles du S, c'est eux qui devraient me ralasser. J'suis un fucking genius, j'trouve des vibes de malade. J'suis leur meilleure caisse, c'est la calage qui fera l'orchestre. À l'heure où j'gratte, je sais que le son va tourner dans leur tête. J'vigue le marché, j'casse les prix sur la Blue Magic. J'monte la chercher à la source, faut que tu goûtes ma zig. J'avance au froid, la rue m'a décerné le permis. Brasser, faire des millions, les dépenser, mais j'espère vivre assez. Éviter le pas et mettre de la clope, rouler et puis tasser. Je rattrape le temps pendant 4 jours, j'avais plus de lacets. Je vais tout rafler, même la petite monnaie. Tu dédicaces tous les quartiers, y'a personne qui te connaît. Tu nous pompes l'air, mais on aimerait que tu nous pompes le dard. Une race de vin, j'ai deux fusils à fond dans le regard. Leur faire du mal, personne m'en empêche, j'en ai tous les droits. Quand j'en vois Fat, il me demande d'aller mollo. J'effleure toujours le succès du bout des doigts. J'envoie mon RAP vers le haut. Oui, j'ai fait de l'oseille, le place tombe bien, j'suis pas rassasié. Pour construire, aller de l'avant, foncer, ne pas ressasser. Ils peuvent plus nous sentir faire le taf, penser à se casser. L'ambiance est gang, on craint personne, on regarde vers le haut. Si j'étais tout naze comme eux, j'aurais déjà tourné les talons. Mais bon, ils prennent du pif, y'a rien à faire, ils ont tous le bras long. 15 plus de crise, mais rite trop rose, c'est minimum. Chèque de banque avec 6-0, c'est minimum. Plus que solide dans mon combat, jamais failli. Et pourtant j'en ai vu, mais de la rire à 100%, j'ai profité de la vie. Parti, je suis revenu, tes boucles m'ont retenu. Ils y mettent la forme, y'a jamais le contenu. Y'a jamais le contenu, j'en place une pour mes soldats contenus. Leur faire du mal, personne m'en empêche, j'en ai tous les droits. Quand j'en vois Fat, ils me demandent d'aller mollo. J'effleure toujours le succès du bout des doigts. J'envoie mon RAP vers le haut. Oui, j'ai fait de l'oseille, le place tombe bien, j'suis pas rassasié. Pour construire, aller de l'avant, foncer, ne pas ressasser. Ils peuvent plus nous sentir faire le taf, penser à se casser. L'ambiance est gang, on craint personne, on regarde vers le haut. Planète Rap. 100% rap français. Jarod, Héraclès dans la nocturne. Il va passer en 2015, Jarod. On fait une nocturne avec lui. Quand ils m'ont dit que j'étais trop différent, j'ai dû affronter la folie d'un rêve itinérant. Comme Son Goku, j'ai besoin de votre force, mes amis, donnez-moi. J'essaie de pardonner, mais ça suffit pas d'être tolérant. Je suis devant l'éternel comme un enfant devant son père croissant. Je fais du rangement dans ma vie, mais mon ordre est décroissant. Les putains têtes d'affiche, j'ai vu des vrais les dépassants. Je suis comme Hercule, je leur fais la leçon tout en les terrassant. Moi j'aimais pas que j'en ai grave boule à Such Night. 15 ans j'ai senti la sincérité dans Thug Life. Et j'ai dû m'en aller quand papa m'a dit c'est chez moi. Et j'ai survécu dans la rue en changeant ses schémas.

une cigarette à fumer. Qu'un moment avec l'ami, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein, on était plein. Y'a pas thème parce que la vie en est un. Y'a pas que dans les cités que les gens se font agresser. Non, non. Les petits bonbons en canne à une fois. J'y pense à chaque fois, et à chaque fois j'agis. Basta tes garçons, basta quand je rappe de la magie. Arrache ta gueule, qu'est-ce que tu fous encore ici? Un nique ta mère pour une feuille, et voilà ton corps hygiène. Oh, fesse, la rue a fait des fils. Yoni Willy Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. Yoni Willy Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. Yoni Willy Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. Yoni Willy Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. Yoni Willy Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. Yoni Willy Gizmo, t'entends les pneus qui crisent. Stompez les, arrêtez les bacs se remplissent de leurs artistes. Des crates quand ils débarquent de délire sur bureaucrate fils. Pas compris, man, Yoni Willy, ça fait bientôt 3 ans qu'on s'est dit jusqu'à l'infini, ça. Prends du grade, leur concu prend du matos. L'un est une arme, l'autre chargeur avec les bastons. C'est pas mes chefs, c'est mes grands frères, bata. On est une meute de loups, de les panthères, cavaliers. YW, vas-y, venez les soulever. On est comme la croque, on va vous passer sous le nez. YW, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. Ça bouge pas, c'est juste nous qui faisons du surplace. Un coup de chat serait bienvenu au milieu de sépulcra. Une busca sur l'avenue, comme d'hab on se couche tard. Tous partent du mauvais pied, un peu comme un cul de chat. Pas de Gucci mais j'ai la dégaine. Rendez-vous ici, elles veulent se faire belle. À base de Sissi, à base de Engen. J'suis à la tête si j'm'empêche de cette chaîne. J'ai du bif à faire, des textes à gratter. Lascar à voir qu'à l'âge d'homme émané. Vie de quartier dans une ville de quartier où n'importe qui peut se faire affaler. Merde, Valentin c'est bang bang story. Très très tori, d'où mes déterres promis. Cesse ses bolis, fier au chromis. Pour la money, frère, faire une folie. Eh vas-y, reste poli. Quand tu passes une beau, y'a du bédon gravé, des vrais lambo. Y'a des tarpés dans la cape, mais tout allume en rafale avec une main. Si t'es chaud, demande à Tom So. J'viens du 9-2, mais j'sais que partout c'est la même. Là j'me fais la zèbre, mais t'as fou, c'est ta tête. Le choix est dur, mais crois-moi, faut en faire. Sans oublier tes gâtures, en R5 pour R. L'arrivée, chez nous c'est tout ce qu'on vise depuis le départ. Et vu qu'ici y'a pas les dons, constamment on se nourrit d'espoir. On ne cesse de saliver devant les costes riches et autres fortunes. Quatre supérieurs, Gianni Versace sur le costume. Costume de flic ou de racaille sont de sortie. Les gars ou pas, les deux travaillent donc ce sera morbide. Morbide sont les allées que l'on fréquente. On a des rêves de monter haut même quand on part pour une descente. Je vois les petits frères s'enliser. Certains se gâchent pour se mettre sous flash. Ne vivent que pour s'enivrer, s'enivrer. S'empirer encore et encore, aller flamber devant les gars qui veulent décoller en or. Mais c'est pas la vie ça, même si c'est plein d'aller à. Je pense à ceux qui se sont dit, je veux tout plaquer, allez hop, allez. Des gaines de fatigués, on crème sur l'avenue. Comme des chiens qu'on pas vu, que la fourrière allait les embarquer, entasser. Trop souvent passer des nuits au poste. Et je parle pas de la FM, mais de celui qui laisse des boss au RMI. On fait des mioches que la DAS veut placer. J'en connais plus d'un qui dirait que c'est moche et demain c'est loin. Mais de toute façon on s'en fiche. On veut tout niquer, grimper à la tête de la vue. Jouer demain c'est mort. Mais on s'en fout, on est déçu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Jouer demain c'est mort. Mais on s'en fout, on est déçu. À quoi bon se projeter si c'est pour être déçu? Genre de mon sou avec un soula à la bouche. Frappe ceux qui se foutent droit à la chenouf. Moi je me soulage à la douce. On passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés. Gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Quand père j'essaye d'exister sans faire de débilité. Je dis ça parce que j'ai fait rimer grande pierre et nécessité. Oh, on n'a pas le temps à tout vous dire, on crame l'Afghan. Ça taffe quand vous pioncez, mais qu'à coup sûr on passera devant. Dites-moi, où sont les fils de cheux là? J'arrive et que je puisse mon venin sans arrêt. On vise le cheux car je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours plus, toujours luxe, tous pour but, toujours frustré. Et tout pour le succès. C'est sensible jusqu'à l'infini. Sur les bases, mais faut manœuvrer sans apurer. Mais pas crever dans le quartier. 3-4 V, pas de café. Y'a pas de secret dans le marché. Madame me fait que des massages. Mais finir à les jambes écartées. Tout moi me sont les massas. Ce soir j'ai pas trop d'arbres. Frisson, tu sens des sous. Y'a pour tirer qu'on a le doigt. Et je peux tirer sans te doigter. Te faire crisper tes doigts de pied. T'es pas bonne, tu puis de la chasse. Là ma vieille, tu peux te doigter. Tu peux te doigter toute la nuit. Tu peux parler sur ma ville. Mais tu suçais. Et pour lubrifier ça, tu crachais sur ma vie. 18 ou 6

Retour du son fabuleux au contrôle, c'est parti. Skyrock. Skyrock. Rap, yo. Non-stop.